Come on, baby, and I'm back to see. Oh, yeah. Ha, ha. And a one. Hey, and a two. Hey, hey. One, two, three, four. Le sprint et ses amis, je tourne le dos à la paresse. Fuis la tristesse, colle la peste. Je ne marche pas, je cours, je vole. Pense mes envies les plus folles. Une idée toutes les secondes. Si je fais le tour du monde. Juste quelques bons amis à qui je pense et qui me le rendent si souvent. Alors c'est vrai ce que l'on dit, l'amitié n'a pas de prix. Choix. Ne croule pas sous les billets, mais le soir quand je m'endors, je fais des rêves par milliers. Je lève la tête vers l'océan, fais quelques bras dans le ciel bleu. Et parfois même de temps en temps je nous imagine tous les deux. Tu ne le sais peut-être pas encore, mais la vision de tes yeux bleus c'est mon étoile, mon sémaphore. J'irai bien chanter sous ton balcon, mais c'est bien connu, nous les hommes avons peur de nos émotions. Ah,